Quand vous verrez les choses que vous voyez, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose après les têtes qui viennent. C'est une idée. La situation de l'homme est très peu déprimante. Elle est déprimante pour l'homme. Il est dans certains détails parce que l'an 2, 3, 4 ans, moi j'ai bloqué mon temps. Non, non, est-ce avec vous autres? Hein? Ça va, est-ce que vous allez savoir? On peut-tu niaiser et se faire niaiser longtemps de même? Se faire niaiser par des égaux, là, qui ont des gens, là, qui s'aiment pour d'autres. Ah, c'est très grave. Moi, ce qui me soutient dans mon travail, c'est que je ne pense pas. Si je pensais que je sacrais tout ça là. Fait que je suis gêné, je suis arrivé là-dessus. Vous allez décourager? On ne peut pas se fier à rien. On ne peut pas se fier à rien. On peut être se fier à eux autres. C'est grave. Ça ne peut pas se fier à eux autres. C'est grave. Les gens les moins avertis qui vont être les premiers à gueuler contre vous autres. C'est une histoire de l'homme, c'est ça. Qui se prend? Le petit qui se prend, il demande mon nom. Nous sommes plus, plus résistants que vous autres allez pas tout. Oui, mon le travail, il est fait. Bon, ouais, on peut continuer. Non, non, non. Ça va vite. Vous avez rien à faire. Ah, mais tout n'est pas un cadeau, fait que ça c'est dur. Ça. On dirait que plus tu avances, plus je veux vous donner des mécanismes pour vous faire voir les illusions. Les illusions, les illusions, les illusions. On dirait que je relaxe quand je fais ça. Bon. C'est pas pour l'ignorance des personnes. Ben, là, on pour un autre, ben, même moi, je me prends pour un signe, je me prends aussi. Mais ça, ça a déjà été dit. C'est toujours le même. C'est normal, c'est la nature humaine. C'est normal. Il faut que vous puissiez comprendre que c'est normal. Vous ne devez jamais défendre mon point de vue parce que vous ne pouvez pas défendre mon point de vue. Faut que vous disiez de votre propre vie à vous autres. Vous n'avez rien à défendre. Si vous avez à défendre, vous n'avez absolument rien à défendre. Vous n'avez pas d'énergie à défendre votre point de vue. Ben non, vous allez vous vider. Vous allez vous vider. Vous pouvez parler avec du monde, mais les gens ne sont pas grave. Vous laissez tomber ça comme des patates chaudes. Je n'ai pas mon point de vue. Je n'ai pas un point de vue. Mais mon expérience a été tellement douloureuse. J'ai joué tellement clair. que j'ai pas l'illusion de vouloir que vous autres vous voyez clair de même. Mais j'aimerais ça que vous voyiez un petit peu. Comment ça va? Me dit ça va bien, je suis content. Pas de retard, ça va, c'est allé, ça va. Quand vous dites que vous êtes bien à votre peau, je suis content. Elle, la principale, elle est une autre corée. Elle dit, ah, la grosse gueule, elle est contente. Je suis content. Parce que c'est ça qu'elle a besoin. C'est mal ensemble. Je suis qu'un gars que vous voyez changer ici. C'est une toquée. On devient des vrais têtes de temps. Vous allez voir que quand on devient des têtes de temps. C'est rien. Non, non. Non, non. C'est mon tour. C'est une finale. Ouais. C'est pas lui. Oh, on va essayer de déconseiller, moi, de faire ça. Sinon, sur le thème, finale, le thème, c'est tourneur, je vais lui être patient. Oui, là, on a un rocher à ah oui. Ah, il y a une différence fondamentale entre la sixième race et l'homme solaire. Puis je suis pas en grande liberté en cause de vous en parler. Parce que il y a des travaux qui font dans le monde par des maîtres. Des travaux de la tête conclus avant que d'autres choses sortent. Des choses qui sont encore voyées, qui doivent demeurer voyées. Et je vais vous donner un aperçu. Ces choses-là sont sorties. Encore, ils n'ont pas été. Mais l'homme solaire, ça pour vous vérifier, ça par vous autres mecs, c'est pas mal au bout. L'homme solaire sera. L'homme solaire sera oui, mais comment ça s'appelle Maurice, est-ce quelque chose? Oui, non. L'homme solaire sera le noyau de la force vibrante, le sang. Quand on parle d'homme solaire, on parle de tous les hommes solaires, la conscience manifestée dans ces hommes-là. Sera le noyau, le sang, la tête de la cible. L'homme solaire fera partie du gouvernement invisible de la sixième. La sixième race, parce que c'est là le gouvernement, c'est l'homme solaire. L'homme solaire, c'est une race à part. L'homme solaire, c'est une race à part. Mais il est venu précisément pour cette activité-là. Et les hommes solaires ne viennent pas de notre système. Comme on dit, les incarnations, les hommes solaires sont des incarnations extérieures au système solaire. Et puis, les hommes solaires sont des scientifiques. Des scientifiques en éducation et des scientifiques en France. Et ce sont ces hommes-là qui seront formeront le gouvernement invisible de la sixième race. Alors, pendant les années, on parlera de la sixième race. On a parlé d'ailleurs avant de la sixième race, mais on n'a pas parlé du gouvernement invisible de la sixième race. Les pères de la sixième race. Les fondateurs de la sixième race. Ouais. Ça vient d'en haut. C'est pas tout, tu mets ton nez dans les affaires des autres. Quand ça vient de ta famille, ça vient d'en haut. Quand tu cherches, ça vient d'en bas. Ça. Je t'ai montré jusqu'à quel point, quand ça vient d'en haut, tu as un libre accès à des choses. Tu regardes dans les yeux, tu vas voir quelque chose. C'est ça. Ça vient de ça? Non. Tu n'as une très belle présence ici. Mais, en fait, vous avez des facultés, c'est à cause de votre ignorance, vous avez pris votre bête. Comment, jusqu'à temps que vous sachiez. Attends que ça vienne d'en haut, puis là, ils vont te montrer énormément de choses. Par ça, tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses concernant l'avenir. D'ailleurs, tu as la faculté de voir. Si j'étais avec toi ici, on jaserait, là. Tu as la faculté de voir tout ce que je te dis. Mais j'en fais pas, mais tu sens plus une question. C'est tellement pas si mal. Faut que ça vienne. On est au cours des mois et des années qu'on va jaser, on va tout décortiquer à patente. Fait que là, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens. Regarde quand je dis que dans la magie noire, c'est les yeux qui dominent la force, et dans la magie blanche, les yeux sont un canal de la force. Ça vous est-il différent? Dans la magie noire, l'ego veut contrôler la force. Là, je vois un homme noir. Ouais. C'est tout noir. Dans la magie blanche, l'ego est un canard. C'est ça, il est bien grand. Quand je dis que la sixième race, éventuellement, se retournera vers la magie noire. Regarde dans 800 ans, tu sais. Ça va être très beau. Je vois des femmes, avec des choses qui sont très difficiles. Très beau, c'est trop beau. C'est sûr, je pense que je vois ça, mais je ne sais pas parce que c'est trop beau. Regarde quand je dis que les hommes de la Terre devront contrôler l'espace, l'atmosphère terrestre contre les évasions extérieures.

c'est difficile pour l'ego, je comprends. Ça ne peut pas être vraiment. C'est votre protection, c'est votre stabilité, c'est votre système. Ça fait votre capacité. Ça, ça vous mène vers la sortie. Apprenez à être anonyme. Oh, pour être anonyme. Mais pour vous entraîner à vivre intérieurement vos vies. Ou à développer le tact dans vos conversations. Je ne veux pas compter. Je ne veux pas parler au monde. Je ne veux pas compter vos vies à tout le monde. Ils vont rire de vous autres, puis avec raison. Apprenez à vivre vos vies. Vous avez du monde avec qui vous vivez, vos vies. Puis avec ces gens-là. Si vous avez avancé dans le temps, si vos vies sont dans le monde, ils vont venir à un moment donné, vous pouvez tout aller même au boulanger. C'est une façon de parler. Avec le temps, il y en a parmi vous autres qui auront cette facilité. Il y en a qui chercheront à s'isoler à la campagne, à l'écrit, là, suivant vos activités. Mais ne cherchez pas votre sécurité matérielle. Votre sécurité matérielle va venir par elle-même. Tout va venir suivant vos vibrations. Il va venir à un certain moment où vous ne pourrez plus vivre en ligne. Le plus vivable, vous entendez. Vous allez faire le même truc, mais vous allez vous poser des gens dans le temps. C'est pour le moment, pour tout l'étendue, vous allez aller vous poser, c'est très bon, parce que ça vous fait développer de la résistance. La meilleure place pour votre évolution, la vie. La province de Québec est en train de critiquer. Pas tout d'abord. Des individus dans la planète. Vous n'allez pas réaliser à vos minutes en unité. Je vais prendre des amas qui sont sérieux. Moi, j'ai marqué une affaire qu'on a toujours plus juste. Comme ça. On va même passer devant une étiquette pour une étiquette. Je ne sais pas si c'est un financier. Ce pas mes affaires. Quand vous avez des problèmes de finances, vous venez parler à Giselle, donner une petite scène par semaine. Donner une petite scène par semaine. Il y a une raison vibratoire pour ça, c'est pour créer une forme. Pour que vous la dépassiez, cette forme-là. Quand vous n'aurez plus, vous ferez un check. Vous ferez un check pour cet été. Le principe, il dit, c'est que, le principe, il dit, c'est que vous n'ayez pas de relation avec moi comme les hommes ont des relations avec les mères. C'est là le principe. Il faut qu'on soit là, on va être là. On a même une boîte. On est ici parce qu'on a à entendre et à vivre. Et ceux qui n'ont pas été parce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre. Est-ce qu'on est là? Il y a du débat. Thank you.

prix là, là. J'ai chambardé avant de me rencontrer. Je suis peut-être assez content de me rencontrer. Après tout son chambardement tout seul. Au moins quelqu'un qui comprenait dans son chambardement. Quand tu chambardes tout seul, tu n'as pas. Ça ne fait pas trop bon. Quand tu rencontres un autre fou, tu parles tout seul. J'en parle pas parce que c'est une autre sorte de grand ami pour vous autres. Moi, je connais pas, je sais pas comment vous. Je peux pas imaginer vos vies, comment vous vivez vos vies dans cette fédération. Mais je peux imaginer que ça doit être des éléphants. Je sais pas comment. Ça doit être comme un gros party. C'est pas une association, c'est pas une école, c'est pas une religion, c'est pas un groupe. Rien que des hommes sont sans même longueur. C'est pas une association. C'est pas une accroché. Mais moi, j'ai une association, ma tête, j'aime ça. C'est que c'est pas parce qu'on va en rire. Vous comprenez, madame? Non. Est-ce que je sais que je le sais? C'est dur à toi. Comme quand tu me parles, puis là, tu me parles. Je comprends pas ce que tu me dis. Je peux pas dire que tu me comprends. Hein? On va rire parce que tu me parles. Quand vous me parlez, là, vous me demandez des questions, je comprends rien. Je vous réponds. Je comprends rien. J'ai pas de mémoire. Il y a rien. Ça parle. Là, c'est le fun. Je sais que j'aime ça. C'est ça que je comprends. Il est là, puis je m'arrête. Après ça, je sais plus. Ouais. Mais ce que je suis, regarde, il a augmenté. Ouais. C'est tout du vibratoire. Moi, je t'assiste sans médecin, là. Ben oui, si je dis à tout le monde, je comprends rien, moi, je suis sans médecin. Mais moi, il dit que je suis sans médecin. Il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est immortel. Quand vous charriez, ça... Elle ne se réalisait pas. C'est tout vous, elle était manteau bleu. Chauffeur de police. Vous avez arrêté de rationaliser. Vous avez arrêté de rationaliser au fur et à mesure que votre commentaire va se développer. Vous avez à rendre déjà, vous savez. Pas d'éducation, pas d'éducation. Ça va, la belle? Beaucoup d'individus vont être envoyés sur d'autres planètes pour retarder l'évolution.